Un mal. Chapitre 25. Il y avait 2 jours qu'il l'attendait éperdument, allant de la ferme à la maison de Cougnolles, avec un désespoir sombre de sentir se relâcher le grand amour d'autrefois. Et subitement, comme une vision, elle avait passé. Sa chair à lui, cachaprée, sa Germaine. Elle s'en allait là-bas, sa face presque collée à celle d'un homme. Elle. Il s'était levé d'un bond, étourdi d'abord, pris d'une stupeur, sentant tout tourner autour de lui, ne sachant plus s'il existait, si cette apparition brusque de Germaine n'était pas une illusion diabolique, s'il fallait demeurer là, ou bien frapper. Puis le fait s'était précisé, une certitude l'avait envahi, nette, foudroyante. Germaine le trompait avec cet homme. La voiture qui roulait là-bas emportait leur tendresse. Peut-être leur chair remuait-elle encore du frisson des baisers. Et lui, bête, l'attendait depuis des jours et des nuits. En un large éclair de mémoire, il se revit avec elle dans la petite maison du bois, les longues heures charmées qu'ils passaient ensemble au commencement. Puis, petit à petit, les rendez-vous plus courts auxquels elle arrivait, ennuyée, bâillant, défaillante. Tandis qu'il serait demeuré des éternités à la caresser, lui revinrent à la pensée. Une colère mêlée de détresse donnait à ses traits la grimace convulsée d'un masque. Sa cervelle dansait dans son crâne, martelée comme un pilon. Ses larges dents s'enfonçaient dans sa lèvre dégoûtante de sang. Il sauta sur le chemin. La voiture n'était plus qu'un roulement confus dans l'éloignement. Mais ses jarrets, ressort merveilleux, avait l'élasticité des bêtes carnassières se ruant à la proie. La tenir dans ses mains, la broyer sur le pavé, la rouler dans la poussière, ses poings dans ses cheveux passaient en rouges frissons dans ses moelles. Il allait au massacre par une pente irrémédiable, comme l'eau va aux citernes et la créature à la mort. La tache sombre que faisait l'attelage dans la profondeur eut l'air de s'immobiliser. Une gaieté bruyante de gens heureux monta sous bois, dans le silence du soir, puis s'étouffa, traînant dans des adieux. La voiture avait stoppé. Ses oreilles, résonnantes comme des puits, avec un brouhaha sourd au fond, crurent percevoir des mots tendres, sortis brûlants des poitrines, les mêmes qu'elle lui disait à lui au temps des joies. Ensuite, la voiture continua de rouler, s'enfonçant dans les lointains de la chaussée, et sur ce grondement diminué se détachait le galop d'un cheval battant la route, de la retombée rythmée de ses sabots. Le galop grandit. Bientôt, dans la nuit grise, une haute silhouette apparut, étoilée du brasillement d'un cigare. D'un bond, Cachapré fut à la bride du cheval. « Ah bah !» hurla Hubert Ayot en levant sa cravache. Le cheval se cabra, la bouche et les dents broyées par cette main de fer pendue aux morts, et il essayait de se dégager par des coups de tête saccadés en reculant du côté du taillis. Cachapré, obéissant à ses mouvements, reculait avec lui, sans opposer de résistance, toute son attention concentrée sur cette face blême, penchée par-dessus sa tête, et de ses immobiles prunelles dilatées, faite au guet nocturne, le cou tendu, horriblement calme, il la regardait, sentant monter dans sa mémoire des souvenirs confus. Un coup de pommeau lancé à la force du bras retomba sur son crâne. Un second coup lui brûla les yeux comme un tison. Il para le troisième qui lui eut fendu le nez. Tout d'une fois, le sang lui péta du front, des oreilles, de la mâchoire, ruisselant jusque dans ses dents. Dressé sur ses étriers, avec un geste d'assommeur, le fils du fermier Ayot frappait de sa cravache à grande volée. Soudain, Cachapré d'un élan de ses reins souples, s'enleva, lui noua la nuque. Hubert alors se cramponna à la crinière de la bête, qui, râlante, les naseaux déchirés, fit quelques pas, et tout à coup se mit à tourner, prise d'un tremblement qui lui battait ses jambes sous elle. Il vociférait « Canaille, lâche-moi ou je !» Il n'acheva pas. Un poing a déraciné un roc, lui fracassait le menton, tandis qu'une voix sourde grondait « Tais ta gueule !» Qu'un chaperet maintenant s'accrochait à ses hanches et lui donnait des secousses furieuses, comme un bûcheron acharné à une souche et qui l'a fait osciller pour l'arracher de terre. Puis brusquement, se ramassant, il lui prit le cou à deux mains et l'entraîna sous son poids. Ils roulèrent dans la poussière. De minute en minute, les terribles pouces se rapprochaient, entraient un peu plus dans la chair, et Hubert se sentait étranglé, sans hâte, la gorge déjà sibilante et les stupeurs de la mort dans l'œil. Maté, il eut un aboiement rauque qui suppliait et rappelé à lui par ce cri étouffé d'agonie qu'Achapré desserra ses doigts d'un geste machinal. Puis, se haussant sur les genoux, collant à ce visage crispé son grand visage douloureux, il examina l'homme, comme il l'avait garrotté, d'un effort lent, continu, qui, petit à petit, débrouillait ses souvenirs. « Je te remets, » dit-il à la fin, « t'es le fils au fermier du Trieux. » Et de nouveau le silence recommença dans la sérénité du soir, avec leur souffle pareil à celui de deux bœufs haletants. De la poitrine de Cachapret, comme d'une forge, s'élevèrent soudain des gémissements inarticulés. Une question montait à ses lèvres, et il la retenait, comme si sa vie y avait été attachée. Cela éclata. « T'es son galant, dit !» Les yeux de Hubert s'élargirent. Il ne comprenait pas. « À qui ?» râla-t-il. Les redoutables mains retombèrent comme des masses sur ses épaules. « À la grande brune, donc !» Un étonnement profond lui fit hausser les sourcils. Il demeurait sans parler, sentant poindre au bout de ses conjectures une possibilité vague que cette Germaine Maucor ne fût pas étrangère au motif de l'agression. Lui, s'impatientant, répétait « Voyons, sans coyonner, l'es-tu ?» Et comme des crampons enfoncés par le marteau, ses doigts s'étaient replantés dans les ganglions du cou. « Lâche-moi !» gémissait Hubert. « Dis, l'es-tu ?» Un nom siffla. « Jure un coup !» commanda Cachapré. « Ben oui !» « Sur le bon Dieu ?»« Oui !» « Sur t'mère ?»« Sur mon père !»« Sur t'mère ?»« Sur ma mère !»« D'abord que c'est ainsi, lève-toi !» Moulu, les reins pilés, la nuque concassée, Hubert Ayot se releva lentement, d'abord sur un genou, puis sur l'autre, et ses mouvements avaient une gaucherie honteuse, mal déguisée sous une indifférence trigode. À présent, il aurait voulu trouver un couteau, une fourche, une arme quelconque pour frapper en traître le ruffian qu'il avait si impétueusement chargé. Il se courba, ramassa son chapeau, évitant de montrer son visage bouleversé par la haine. Cachapré, au contraire, rasséréné, incliné à la générosité. C'était plus que de la joie qu'il éprouvait. Germaine n'avait de galant que lui. Ce prestolé avait juré sur la vie de sa mère et de son père qu'elle ne lui appartenait pas. Et devant cette certitude, il eut regret de sa violence. « J'ai peut-être été un peu vif, » se dit-il. Penaud, il tourna la tête et chercha le fils Ohio pour tenter un raccommodement. Il avait disparu. Le gars demeura un instant à songer. Après tout, c'était sa faute à ce blême niguedouille. S'il s'était contenté de galoper près de la voiture, rien ne serait arrivé. Et il remua les épaules comme pour se débarrasser d'une pensée tenace. Mais d'autres se maillèrent. Qu'est-ce qu'il adviendrait? C'est que le damoiseau chercherait à se venger. Il ferait des ragots, colporterait l'histoire de sa liaison avec Germaine. Cela les perdrait tous deux. Alors il se mit à courir. Il était décidé à tout. Il le supplierait, lui ferait croire à un acte de démence, s'abaisserait à deux plates palinodies. Comme il reprenait haleine, il entendit au loin le galop d'un cheval. Hubert Ayot avait retrouvé sa bête broutant à l'entrée d'un taillis et il l'avait enfourchée, ayant hâte d'arriver et de divulguer le guet-apens dont il avait été victime.